vendredi 2 décembre 2016. Monte le volume et hume la différence et c'est parti, mais chez enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Je suis très contrarié. Pardon? Je suis très contrarié. En début d'émission, j'aime ça lancer des fragments de ce que je ressens. Comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, saisir un peu mon nœud langagier qui ne peut s'exprimer. C'est normal, c'est un nœud. Sinon, tu n'appellerais pas ça comme ça. Ce serait un flux. Ouais. Il y a deux contradictions. Ben, deux blocages que je vis aujourd'hui. Premier bloc. Ben, quelque chose de positif, tiens. Hey, le positiviste! Je viens de sortir mon vieux micro. Shuffle, shower, shammer, hanger. Ouais! Elle m'a demandé ce qu'elle voulait, ce qu'elle choisait. Oh, je voudrais, monsieur. Monsieur Gagné, je voudrais bien. Oh, je voudrais bien. Oh, monsieur Gagné, c'est vous l'animateur de Pardon? C'est vous l'animateur de Je comprends pas. C'est vous l'animateur d'Errance Rénadienne. Oui, c'est moi l'animateur de l'émission Errance Rénadienne. C'est que je votais. Oh, Monsieur Gagné. Oui. Monsieur Gagné. Oui. J'ai un souhait qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison. Et c'est la raison de ma vie. Et un jour où tu vas pourrir. Dans le sol, avec les vagues de taille, tu vas pourrir. Ça va bien, oui. C'est que je viens de sortir mon micro des années 50 qui a presque appartenu attendez là qui a presque appartenu monsieur à mon ami Frank Sinatra, à mon autre ami Dean Martin et à mon autre ami Sammy Davis Jr. Les trois ont craché dans le micro. Il y a de la bave de professionnalisme avec la mienne, mais ça s'annule. Ouais, c'est un Shure. C'est sûr que c'est un Shure. Ça coûte cher, un Shure. Mais quand t'as un Shure, tu cherches pas longtemps, t'es heureux, là. T'es dans le présent, puis tu te dis merci d'avoir inventé, messieurs les techniciens, cet instrument des plus extraordinaires que j'appelle un micro! Pourtant, c'est pas si petit que ça, un micro, là. Surtout celui-là. C'est la grandeur d'un fêteux de 5 mois et demi. Dans la bédaine de maman, de la maman. Dans la petite bédaine de la maman, on l'aime-tu, la petite bédaine de la maman quand elle est enceinte? Oh, c'est beau, une petite bédaine de maman. Oh, le regard d'une maman qui a une petite bédaine. Oh, les petits joues rouges, la petite maman qui a une bédaine. Oh. Moi, je l'ai fait pratiquer, hein? Non, j'ai dit ça s'apprend pas à être mère, là. C'est pas inné, là. Il faut arrêter de virer sur le capot. Puis il faut pas écouter non plus ce qu'on nous dit partout, là. T'sais, dans les revues spécialisées, il y a rien de pire qu'une revue spécialisée pour nous faire croire quelque chose et de, bien sûr, prendre ce propos-là et le rendre crédible dû au fait que c'est une revue spécialisée. Une mère, c'est une mère, un père, c'est un père. On se tombe pas là-dessus, c'est simple, c'est pas compliqué, la vie, c'est comme ça. Bon. Mais là, quand tu Tu sais que t'as... que la fille que t'adores, que tu cajoles, que tu places près de toi devant le foyer, pas allumé parce que t'as plus les moyens. C'est... tu vas avoir un enfant, t'as pas les moyens. Tu dis, on va couper déjà sur le bois. Ça fait qu'on va faire des flammes en carton. Moi, vous a... Non, parce que moi, vous achetez. Ils sont deux. Moi, là, je suis seul là-dedans. Moi, là. Et ça, et ma copine, c'est rendu la version 2 en 1. Peu 2 en 1, c'est 2 en 1. La maman et le bébé. Donc, bien sûr, si vous regardez, si vous lisez, si vous faites la lecture de revues et surtout de livres en psychologie, ce n'est pas un bébé, c'est un fêteux. Il est déjà sur le party. Il a même pas commencé à boire au biberon. Ben, attends, ça brosse là-dedans. Ça invitez-moi, c'est quel bar? C'est le bar du gouffre. Ah oui, tu vas glisser là-dessus, mon gars. Ou ma fille, je sais pas, là, je veux pas non plus. Moi, ça me dérange pas. Tu vois un gars, une fille, transgenre, bisexuel, homo, hétéro, hello, abon, hello, I love you looking for, and it's not the other one, and I want it all you do. Il n'y a pas de problème, moi, là. En parlant d'allô, est-ce que je peux brancher une prise de... Excuse-moi, ma petite copine que j'adore et que j'embrasse partout. As-tu une prise USB, toi, au niveau du nombril, au plus bas que le nombril? Parce que j'ai acheté un téléphone à prise USB. J'aimerais ça y parler avant, discuter. Savoir où il est rendu, lui, dans... Mais en parlant d'un fêteux, hein? Mais le masculin, c'est pas le sexe, là. C'est, en fait... C'est dans la phrase, oui, mais pas dans ton ventre. Ma belle chérie que j'adore et que je vais... Oh, je l'aime. Moi, je l'aime encore plus. J'allais dire, je l'aime encore. Hein? Quand les couples vont pas très bien, il y a des choses étranges qui se passent dans le cerveau du genre humain. « Ouais, on va faire un bébé, on va recommencer à s'aimer, on va faire un bébé. » Le bébé est au monde. Hein, ça s'est pas amélioré, on divorce. Ben oui, t'as mis un bébé. D'accord, c'est une autre histoire. Fait que moi, je suis encore sur le fêteux. C'est le moment le plus important pour moi dans la vie pour un fêteux qui un jour deviendra un humain. Puis il deviendra aussi, ben, quoi qu'un fêteux est un humain. Bon. L'éthique, Madame de Thibodeau, jouez pas avec l'éthique. Vous allez voir que je vais commencer à stresser puis à déclarer moi-même avoir certains tics. Des tics. Parce que moi, ça le met sur le gros nerf quand on joue sur les fragmentations du discours. Parce que moi, vous fragmentez, bord la porte, Raymond, bord la porte. On n'a pas de porte, on a un rideau, c'est vrai. Le studio n'a pas de porte. Le studio n'a pas... le studio des abeilles n'a pas de porte. Oui, ça s'appelle le studio des abeilles, on vous le dit dans le générique, là. Écoutez au début, là. Il n'y a pas de porte! Il y a un rideau! On se prend au théâtre! C'est pour me faire croire que je suis au théâtre! Sur la scène de la vie! À vous raconter l'existence! À ma façon, à ma manière... Selon mon œil un peu grivois, étrange, surnaturel, elle est couchée. Et puis là, je lui demande, t'as-tu une prise USB, mon épouse? À quelque part, c'est encore moi. J'ai tout examiné. Depuis qu'on se connaît. Ça fait combien d'années qu'on se connaît, ma petite tranche d'amour? Oh, les gars, elle commence à pleurer. Ça, c'est l'émotion d'une femme enceinte, hein? Ah non, oh, excuse-moi, j'ai appuyé sur son ventre, puis elle a mal. Ben, elle souffre. Attends, t'as pas fini? T'as pas fini de t'ouvrir? Non, une fois qu'il va être au monde, on s'est demandé pourquoi cet enfant-là ne rentre pas à l'heure qu'on lui a indiqué. Appelle-le sur son cellulaire. Quoi, 3 ans et demi? Il y a un cellulaire, 3 ans et demi, c'est pas un gnochon. On n'a pas mis au monde un gnochon, une gnochonne. C'est branché sur le cellulaire, celle-là. Ça vient au monde, j'espère, avec un numéro de téléphone. Puis j'espère que la carte du cellulaire est remplie parce que moi, je veux pas mettre une maudite scène là-dessus. Hey, ça va t'appeler aucun second. Hey, j'ai la couche pleine. Hey, j'ai soif, j'ai faim. Hey, j'ai une caresse. Hey, réveillez-vous. J'ai besoin d'amour. Je suis un bébé, un nourrisson. Nourrisson, bébé. À 15-16 ans, la petite fille se fait encore appeler bébé. Le mot du bébé, le mot du bébé, bébé. Hey, cochon, toi là, là, attends, 18 au moins. Le 18 dans le noir, le 18 dans le trou, le 18. Hey, on n'est pas au billard? Vous connaissez ça, le billard? Billard. Ben oui, c'est ça. Ah, on sort tous de même. Ils cherchent. C'est comme des fox terriers. Toujours un museau à terre. Ça flaire la jeunesse. La jeunesse. La rue La Jeunesse, M. Thibodeau, vous tournez tout le droit. Vous tournez tout droit. Et puis là, vous allez voir des arrêts. Obligatoire, sinon la police va vous embarquer. Et puis, deuxième lumière, vous restez toujours sur votre... toujours sur votre circonférence de... C'est concave. Vous allez vous reconnaître, c'est concave. C'est très cave. Là, c'est d'une imbécilité, c'est écrit cul-de-sac. Restez pas 2 heures à lécher le cul-de-sac, là, parce que c'est en fait une vieille maison qui est en train de pourrir, puis ça peut vous tomber dessus. Puis heureusement pour nous, on serait délibérés d'un guignol, un guignol comme vous. Mais vous êtes quand même un guignol qui divertit. Il y a des guignols qui nous font stimer la saucisse. Il y en a qui disent on ronde notre frein. Est-ce que c'est une expression, rondre notre frein? Je sais pas, là. On rond. Moi, je ronds point sur la gueule. Quand on met un nom, mais quand on continue, quand je sens qu'il n'y a rien qui se passe. Puis ça va rester niochon, là. Tu sais, le discours passe pas. Tu sais, c'est divers. C'est comme dans le désert de Sarah Bernard. C'est. Hein, le désert de Sarah Bernard, c'est flou, hein, s'il vous plaît, là. Tu sais, t'as comme l'œil qui. Je vais franchir le mur du sang. C'était à peu près dans cet état-là, là, du regard, là. Il y en a d'autres qui clignent, tu sais, des petits nerveux. Bonjour, ça va bien, monsieur. C'est-tu le gros nerf? C'est mon état. Comme les 33 tours, là. Non, mais là, c'est rendu les numériques qui sont de même. Parce qu'avant ça, c'était womp, womp. Tu sais, la chanson, là, elle bloquait. Mais là, c'est rendu. Comment, nana, con. Con, con, come on, nananani, nanon, pam, pam, pam, pam, nanano, nanon, nanano. C'est une chanson chinoise. Kangano, nanano, ton, ton, ton, non. Du riz, du riz, du riz, du basmati, pas du ricien. Du ricien. Du ricien. Du lébreu, du ricien. Et de l'arabe, hong, hong, hong, yo. Cognacio. Non, c'est du russe. Cognacio. Pipi, lo, lo, lo. Hein, le sure, il est durable. Quand tu dis que Frank Sinatra s'est tenu sur ce micro-là en 73, parce qu'il y a eu une petite faiblesse due à son deuxième coup de gin tonic, dans My Way, quand ça termine, là. It is a smile. Puis là, oups, il y a eu comme un anniversaire qui a sonné 3 fois en haut, là. Un anniversaire, vice-versa. Donc là, il s'est tenu après le micro, il dit, j'espère que je vais pas m'effondrer. Mes fonds, M. Tremblay, sont totalement liquidifiés. Je ne suis pas dans le rouge. Ni dans le marron. Je suis dans la tranquillité financière puisque moi, je ne vis pas dans ce que, ouais, comme vous me dites souvent, là, dans l'abus. Ben oui, j'ai beaucoup d'abus dans ma vie. Un abus langagier. Un abus aussi de création, de créativité. J'ai un abus. Mais qui l'a vu? Rita Biblo, mais elle n'en parlera pas. Puisque lorsqu'on se présente pour travailler chez nous à Errance canadienne, on se doit d'être très discret, sauf l'animateur, sur tout ce qui se passe ici à l'interne. Parce que là vous m'entendez, vous ne voyez pas toutes ces petites papillotes qui se promènent autour de moi, là. Tous ces corps qui se slovent pour m'envoyer des cartons, des gros cartons écrits « Ferme ta bouche! Passe la chanson! » Mais non, mais encore, calmez-vous. Là. Je ne sais pas pourquoi, avant, ils sont très zen. Hein? Ils boivent de la camomille, la tisane que Zan fait, parce que nous avons une Zan qui fait de la tisane. C'était écrit dans le ciel. Moi, je voyais ça là, comme en néon. Les anciens néons, ça, c'est néon d'Hertal. C'est une écriture étrange. Comme une fusée. Vous voyez, pas les fusées, mais les avions super phoniques. Fun, parce qu'ils font du bruit, mais du bruit, là. Hey, tu vois ça, là, ça fait comme une fumée. Ça va tellement vite, là, que les oreilles du pilote sont comme Monsieur Spock. Ils sont pointus puis vers l'arrière. Comme un chien qui sort la tête là, lorsque tu roules dans un véhicule motorisé à quatre roues. Communément appelé un véhicule à quatre roues. Automobile, voiture, moyen de pollution d'un siècle encore, malheureusement trop présent. Et puis sinon, ben écoutez, j'ai une chronique cinéma. Là, tu voulais parler de quoi au début? Bien oui, mes amis. Alors, heureux de parler devant un micro aussi vieillot. Mais là, j'ai deux contradictions. J'ai commencé avec la contradiction. Ma blonde, là, dans quelques mois, elle, ça va être des contractions. Alors, quand tu vis des contractions, est-ce que c'est une contradiction? « Oh non, je ne veux pas l'avoir. J'ai été bien dans mon ventre. Je ne veux pas accoucher. » Mais non, chérie, t'es rendu à 10 mois et demi. Je pense qu'il n'y a plus de nourriture dans le grenier. Là, hein? Mais bon, manger du pâté chinois et de la crème de tomate, des cornichons, mais comme je t'ai déjà dit, les cornichons sont pas tous dans les pots. Hein? Il y en a un devant toi, ma chérie, c'est moi. « Oh non, je ne veux pas mettre au monde un enfant avec un hurlu-berlu comme toi. » Ben voyons donc, ma petite cretonnière, ma chansonnière de ma petite Linda Mémé, la petite mémé Linda, hein? Ton influence, c'est pas ton popo, petite Linda Grenier, hein, la petite Grenier, ah, oh, elle est bonne, la petite Grenier, pas de refrain, pas de couplet, c'est long en damarlant, c'est long, c'est la belle musique longue, là, oh! Il fait plus l'amour, là, Charles qui ne fait plus l'amour, tu sais. Idiote, je t'aime. Idiote, je t'aime. Idiote, je t'aime. À ma manière, à ma façon. Ce Charles qui ne fait plus l'amour là. Mais lui trouve que Linda, c'est du Linda, c'est de la vraie Linda là. Même plus du mois de mai, c'est en train de pourrir dans l'écriture. Là. Mon papa, c'est à moi. Tu sens vraiment l'inspiration. C'est soit qu'elle allait faire un numéro 2 ou qu'elle nous écrivait un numéro 3 pour souffrance auditive. Non, mais on l'aime. On l'aime, c'est une Québécoise qui se prend pour une Française. Comme celle qui... Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Mais là, c'est pas l'histoire des deux Françaises québécoises qui se prennent pour des barlouches enregistrées puis qui veulent sonner comme des Tina Turner d'état moderne à un âge très avancé de leur existence. Malala. C'est que j'ai deux contrariétés. J'ai deux contrariétés à vous raconter. J'ai deux contrariétés à vous raconter. La première, c'est la suivante. Là, je sais pas laquelle des deux. Je suis comme excité, là. Je me souviens d'une, là. Ah! Puis l'autre, un peu moins. C'est quoi, la contrariété? Ah oui! Ben oui! Hey, j'avais commencé. J'ai vu un film de... Je te dirais pas qui. Et parce que c'est la semaine prochaine que je vais faire cette analyse de ce récit. Mais là, vendredi midi, enregistre ce que j'ai écrit, plie le portable, place ça dans le sac à dos, pars pour aller manger. Parce que moi, c'est samedi, oui. Moi, c'est un rituel. Le samedi, je vais manger c'est la seule fois. Bon, je ne mange pas dans les restaurants, mais des fois, je passe mon tour. Là, mais je ne sais pas. C'est comme un rituel que j'ai fait depuis quelques temps, que je prépare depuis quelques temps. Là. Fait que, il faut laisser placer le rituel. J'allais dire le virtuel. Mais non, si tu ne le crées pas au même moment, ça ne sera pas un rituel. Alors, moi, c'est le samedi, midi. Plie le portable, mets ça dans le sac à dos, pars sur mon scooter électrique et je vais dans un endroit où on peut manger des hamburgers, mais pas avec un W à l'envers. Moi, là, les clowns, la moulée de clowns, c'est pas pour moi. Les clowns avec les clowns, les sérieux avec les sérieux. Moi, c'est l'ours, là. Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Alors là, je commande mon hamburger double viande à chier. Puis là, j'ai risqué de manger leur poutine. Mais là, je dis la poutine d'ours, là, est-ce que c'est mangeable? Pas mangeable, est-ce que c'est mangeable? Avec une boisson gazeuse, format grand, un grand format de boisson gazeuse, s'il vous plaît, madame. Madame, merci. 10,50, heureux de payer mon 10,50. Je m'en vais, sac à dos, chapeau de casque de sécurité, plateau, hamburger double, poutine, boisson gaga. Galé va se casser la gueule. Ah, mon Dieu, il va se casser le goggle.fr. Ah, il est prêt à manger sur une pelure de ganane. De madame, tu sais, la pleure de madame, là. Quand t'es contente de te voir, ah, salut Renal, ça dégouline, tu te glisses, la tête te part. Hey, monsieur. J'ai perdu 6 têtes de même, moi, là. Oh! Sur de la substance de femelle. Oh là là là là là là là là là là là. Puis là, il n'y a pas de colle. En fait, j'en ai préparé dans ma bouteille, là. Ça, c'est une substance rénaldienne. Mais il faut avoir le temps de secouer. Ça n'arrive pas de même. Là. En tout cas, ça, c'est une autre. Hein? C'est un autre. C'est une péripétie que je ne peux relater ce soir encore. On remet ça plus tard. Mais donc, je m'en vais manger mon hamburger. En tout cas, leur force, c'est pas la poutine. Je suis... Oh! J'en ai mangé 3-4 bouchées. J'ai dit, si j'en mange 3-4 autres, puis je le remets, c'est pas mieux. Donc, j'ai mangé mon double hamburger avec ma boisson gazeuse. Et là, je me suis dit, parce que je me suis dépêché, là, hein, j'avais écrit le truc sur l'analyse de film que je vais vous raconter la semaine prochaine. Donc, je dois réécrire parce que quand je suis revenu, j'avais acheté des petits trucs. Et la deuxième chose, c'est que quand je suis allé acheter des petits trucs, c'est rare que je vais dans les magasins, moi. C'est très, très rare. Puisque je suis cybernétique, ça fait à peu près 20 ans que j'achète sur des sites Internet. Je veux rien savoir, le rencontrer. Voulez-vous... non, mais c'est pas ça. Moi, ce qui me dérange, là, c'est que moi, j'aimerais ça. Mais prendre un produit. Exemple. Une télécommande universelle. Bon, je vais m'acheter une télécommande universelle. J'arrive à la caisse. Voulez-vous une garantie supplémentaire? Non. Voulez-vous des piles pour aller avec la télécommande? Non. Je n'ai pas acheté de piles. Non. Je veux la télécommande. Oui, alors vous voulez un sac? Non. Non, j'ai la télécommande, là, puis c'est juste ça. Alors, vous êtes certain que vous ne voulez pas avoir une assurance supplémentaire pour la télécommande? Non. Sur Internet, là, tu cliques sa télécommande, payer PayPal, Cling! Ça arrive chez vous 2 mois plus tard. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de discussion. T'es pas en rogne. Moi qui est un misanthrope. Je suis un misanthrope, moi. Misanthrope. Méprise le genre humain. Plus je le connais, plus je le méprise. J'en veux pas. J'en veux pas. Je veux, garde. Je l'ai ici, là. C'est ma télécommande. Les piles, j'en ai des centaines que j'ai achetées sur Internet à un prix ridicule. Tu me vends ça 5$ pour 2 piles. Moi, pour 5$, je peux en avoir 25. Puis c'est des alcalines d'une main de. Ça vient d'Allemagne. Puis j'en ai rien à cirer, moi, que c'est une marque que je connais pas en Allemagne. Ça doit être une grande compagnie parce que ça me dure aussi longtemps que si je jette des piles de longue durée à Québec. Bon, c'est-tu clair, ça, citoyen-là? Je veux la télécommande, un point, c'est tout. La télécommande, simplement, pas de sac, rien, j'ai un sac à dos. Au pire, je vais en manger, puis je vais l'envoyer après dans mes intestins, puis ça arrive désemballé, là, ça va fondre, puis mais j'ai aucun problème. Mais là, actuellement, tu me fais chercher. Je suis pas capable, plus capable. Fait que là, je m'en vais dans un magasin de grande surface. J'arrive à la caisse avec. C'est rare que je prends un panier. C'est la première fois en 20 ans. C'est en blague, c'est vrai. Là, en 15-20 ans, c'est la première fois que je prends un panier. Je m'arrête quand je n'ai plus de bras. Là, quand, oh non, mais là, ça va tout tomber. Fait que je vais aller à la caisse. Mais là, je me suis dit, ah non, non. Comme l'hiver arrive, là, puis on a de la neige, mais il y a quelques temps, on n'avait pas. Fait que j'en profite pour faire comme un écureuil, je magasine. Je sais que pendant 5-6 mois, je ne serai pas fonctionnel, là, là. Je vais être en autobus. Quand tu es en autobus, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te promènes, tu marches, puis tu n'amènes pas trop d'affaires, sinon tu vas te casser la gueule avec tout ce que tu vas amener avec toi. J'ai de l'expérience, moi, là. Je ne suis pas né de la dernière neige, moi. Moi, les flocons, le flocon, je sais que c'est con des flocons. Je sais que c'est imbécile, ça tombe n'importe où. Puis surtout, ça tombe sous mes pieds et ça gèle et ça me fait une glace. Puis je vais glisser là-dessus. Fait que là, je m'en vais, je prends un panier, comme ça, c'est rare. Je remplis le panier parce que là, je prends des lavettes, là, je sais que c'est beaucoup de Québécois qu'on connaît, des lavettes. Oh, regarde-moi la lavette, là, hein? Gaétan Brisebois, la lavette, hein? Il veut pas aller dans les coins, hein? Au hockey, il veut pas aller dans le. Il veut pas. C'est une lavette. Non, des lingettes. Des lingettes humides. Ma blonde va accoucher. Là, j'en prends pas juste 2, là. Il y en a 90 dans. Comme je reviendrai plus je passerai pas par là, puis faites-vous-en pas, sauf pour quelque chose de très important pour moi, je vous le dirai plus tard. Là, je vais sortir pour aller me procurer ma main. Mais sinon, là, fait que des lingettes, j'en ai acheté 6. 6 contenants de 90. Puis là, j'arrive à la caisse, mais j'étais 6e à peu près. Après ça, je tombe 5e. Puis là, je vois une caissière qui me fait des bonjours. Là, je regarde en arrière, ça doit être son copain. Elle dit ça doit être son copain. À droite, à gauche, en haut, en bas, hein, c'est à moi. Fait que là, je fais un petit ring, tu sais, des doigts, le petit doigt, le ring. Lunettes fumées, le mec, là, c'est moi, ça. Le casque de scooter à côté, le panier, le ring, c'est des saluts, ring. Là, je tombe 3e, 2e. Après, c'est les bras, là. T'sais. Olé, olé, olé. Je suis tabarnouche. Elle va venir me frencher. Je suis prêt. En plus, j'avais un goût, une haine séductrice, là, le mâle en rut. Là, vous allez me dire, ouais, mais ta copine est enceinte. Ben oui, mais tu écoutes, c'est de l'imprévisible. C'est imprévisible. Je savais pas, moi, là, écoutez, elle fait des saluts, des babayes. Je suis 3e à la caisse avant de passer, là, mais hey. Là, je passe. Étrangement, il y a 3 caisses d'ouvertes. Et je m'introduis sur sa rangée à elle, sur son secteur, sur son rayon. Bref, sur sa caisse. Elle dit que ça va, ça va bien. Je dis oui. Ça fait longtemps. Ben oui. Là, cette fille-là me disait quelque chose. Mais où je l'ai vue? Je me suis dit, ah, elle doit passer à l'endroit où je bosse. Dans un supermarché. Non, on appelle ça un marché. Un marché de quartier. C'est vrai. de marché de quartier. Alors, il me semble que ça fait longtemps. J'ai pas... Là, je dis, puis toi, comment ça va? Ah, écoute, j'ai eu un enfant. Oh, il y a 3 ans et demi. Là, je suis retourné aux études. Oh, intéressant. En quoi, en littérature? Ah, non. En agriculture. Oh, là, elle me nomme le truc, c'est comment... avec les vaches, là, tu sais, je sais pas, le lait, le beurre, le fromage, puis... elle étudie dans ce milieu-là. Je dis, ah, ouais! J'ai dit, tu vas aller vivre avec ton chum sur une ferme? Elle dit, c'est quoi, ça, un chum? Hein? Oh! Puis elle dit, je pesais, j'ai pris 80 livres quand j'ai eu ma petite. Hein? Et elle mesure 4 pieds 7. Sans blague, là, 4 pieds 7. Là, bon, vous allez me dire, en mètres, je ne sais pas, mais comme j'ai une affaire intelligente devant moi, calendrier, alarme, calculatrice, fuseau horaire, chronomètre, tâche, note, calculatrice des pourboires, convertisseur. Bon, longueur, pied, puis en mètres. Bon, j'ai dit 4 pieds. 4 pieds, 4 pieds. Donc, 4 pieds et 8, hein. Je serai généreux. OK, comme ça ici. Parlez entre vous, là, parce que là, s'il passe quelque chose ici, là, 4 pieds et 8. OK. Hein? 1,46 m. Donc, elle mesure 1,46 m. Et j'ai dit, voyons donc, tu pesais quoi? Elle dit 175 livres. 100, non, non, 170 livres, excusez. 170 livres. Puis là, je la vois, c'est mec. J'ai dit, comment t'as fait pour perdre tout ça? Elle dit, j'ai couru. J'ai dit, t'as couru après les gars? Elle dit, c'est quoi ça, un gars? J'ai dit, oh là là, là, là. J'ai quelque chose à relever, un défi extraordinaire. C'est de lui montrer qu'un gars, premièrement, c'est pas juste fait pour sauter une fille, pour faire l'amour avec une fille et se sauver. Encore là, faire l'amour, c'est pour lui, sans doute, c'était se soulager et partir. Faut que je lui montre qu'un gars, c'est rempli de sentiments. Ça, c'est moi. Là, vous allez me dire, ouais, mais ta copine, ben oui, attendez, j'ai pas dit que c'est... Moi, oui, mais dans la narration, discuter, prendre un café. Hey, elle avait des grands yeux bleus, là. Je me demandais, à chaque fois que je parlais, là, je me dis, à quel endroit je l'ai vu? Je m'interroge encore, c'est ça l'histoire. Et puis ensuite de ça, il y a eu le film que je peux pas vous parler parce que j'ai perdu. Quand j'ai voulu l'enregistrer, ça s'est mal enregistré, j'ai fermé trop rapidement mon portable, je l'ai foutu dans mon sac à dos pour aller rencontrer cette jeune fille extraordinaire, fabuleuse. On peut-tu vivre à trois? Puis là-dedans, là, est-ce qu'il peut y avoir une certaine jalousie qui s'installe? La jalousie. moi je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Lorsque le virtuel se transforme en réel, cela donne Air de Spike Jonze. Une histoire d'amour surréaliste, ou presque, entre un homme, Theodore Thornbury, incarné admirablement par Joaquin Phoenix, est un système d'exploitation informatique possédant une intelligence artificielle appelée OS1. La force de ce récit filmique provient de la vraisemblance de la diégèse qui peut, dans quelques années, atteindre ce qu'aujourd'hui nous considérons comme de la science-fiction. En conclusion, le film renferme un sujet fort, une interprétation remarquable, une iconicité qui sert efficacement à l'histoire racontée et surtout, une œuvre qui nous guide vers une réflexion philosophique, psychologique et sociétale d'un phénomène contemporain. Air de Spike Jonze, quand la réalité dépasse la science-fiction. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt ? On est prêt ? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne ? Cadré ? Oui, monsieur. Ça tourne. Action ! Cinéma. Aujourd'hui, le vendredi 2 décembre 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. C'est professionnel, hein? Au Square Radio-Canada, tout est... Ça rentre dedans, tant pis pour les prudents. Bing bang, bien visé, c'est le temps de s'amuser. Alors, aujourd'hui, le vendredi 2 décembre 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Ma copine qui va accoucher dans quelques mois. Mais ça, c'est pas un embarras, c'est du plaisir. Hey, sublime. Les belles joues rouges, le cœur. Bref, apaisons la dure réalité. C'est en français, là, ça veut dire unissons-nous autour de mon ami Dimitri Nirman. Qui est Dimitri Nirman? Vous connaissez pas Dimitri Nirman? Ah, être de peu de culture. Écoutez, après des études de clarinette et de composition au Conservatoire national de musique de Toulouse, Toulouse-Garo, demain, nuit blanche, Dimitri Nirman commence une carrière d'instrumentiste. C'est en 2006 qu'il décide de se diriger vers la chanson et le jazz, et sort son premier album intitulé « Acid Jazz ». En 2010, il rencontre un producteur et un deuxième album « Rue du jazz » voit le jour. Suite à cela, il entreprend une série de plusieurs concerts, 250 concerts en 4 ans, et collabore avec de prestigieux artistes comme Tania Maria et Tom Poisson, que j'ai rencontré il y a 4 ans à Paris, affirmant son style original et cadencé, c'est avec un air de malice qui nous amène et qui nous émène, qui nous émène, qui nous amène dans des flaques de swing où les mots rencontrent le jazz en croissant. Moi, c'est des croissants fermés, s'il te plaît. Tu sais, un rire moqueur, pas un rire machiavélique. Moi, je l'ai vu Batman, comment il s'appelle, non, le Jack Mimmelman. Jack the Shining, bon, Johnny Gilbon, le gros sourire, là. Ça, c'est le premier Batman? Bon, mais moi, c'est pas celui-là. Non. C'est un air de malice qui nous amène dans des flaques de swing où les mots rencontrent le jazz en croisant des musiques d'Amérique du Sud. Vous croyez pas tout ça, hein? Vous imaginez que je vous invente qu'un jour j'ai rencontré mon ami Dimitri Nirman, que c'est de la musique qui n'existe pas. Tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant est de cet auteur, compositeur, interprète extraordinaire. La preuve. Si tout indiffère, si l'amour est encore un vaste mystère, je dois de penser à toi malgré tout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Fuis les commentaires, les autres sont parfois de mauvais compères. L'amour que l'on te porte est bien éphémère. C'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Lille et Paris maintenant, okay. J'habite sur les deux en fait. Donc, Et t'es venu expressément pour moi? Non, pas que, j'ai plein de rendez-vous toute la journée, on va dire promotionnel pour le disque qui commence. Donc, ok, ouais. C'est bien. Pardon? Donc c'est bien, je suis content. Ah oui, ben moi aussi, parce que en fait, tu es né au pays de Lugaro, oui. À Toulouse. Bonjour madame. Vous laissez regarder un peu la carte. Ah, oh, excusez-moi. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, moi je vais prendre un double allongé, s'il vous plaît. Un double allongé. Moi un grand calme, s'il vous plaît. Un petit croissant avec ceci, monsieur. Non, merci. Donc, oui, Nougaro. Étrangement, comme Nougaro, tu t'es intéressé au jazz. Au blues, jazz, au jazz. Oui, non, je réfléchis parce que le nouveau disque qui sort en janvier, il est un peu différent. Ok. On a un peu changé des choses, mais il y a toujours quand même une... monsieur, et le double arrive. Merci. Il y a toujours, si tu veux, cette... Ce fil conducteur qui est un peu jazz, mais moins. Ok. C'est ouais, moins c'est présent que sur le précédent disque où, où là c'est vraiment côté chanson jazz. Tu vois. Mais... Un peu à la Nougaro, effectivement. Lorsqu'on est à Toulouse, c'est quand même un environnement propice à la création. C'est un endroit exceptionnel. Oui. Ah oui, Toulouse. Pour... Et puis c'est devenu, j'ai l'impression, avec le temps, une espèce de ville. Où il y a une pépinière de chansonniers. Il y a plein de jeunes chanteurs qui se lancent, il y a plein de chanteurs qui se produisent là, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux te produire à Toulouse. Et je crois qu'il y a pas mal de choses. Le groupe Zelda vient de Toulouse. Oui. Oui, et c'est vrai que moi, quand j'ai quitté Toulouse, pour venir habiter à Paris, il n'y avait pas autant d'endroits où on pouvait se produire à Toulouse. Dans la chanson, il y avait vraiment deux, trois lieux. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'endroits, pardon, de bars-concerts qui sont assez connus maintenant. Donc, non, Toulouse reste une place importante, prépondérante. Mais lorsque tu as grandi, comment la musique est entrée dans ta vie? Ben, alors moi, j'ai mon père qui est musicien, oui. Qui est compositeur. Et c'est sans doute très lourd à supporter et à vivre quand toi, tu deviens aussi musicien. Non. Moi, c'était un très un grand bagage, une grande chance d'avoir mon père. Mon père est compositeur de musique de film, notamment. Oui. Et pour orchestre. Il est arrivé de Russie parce que mon père est russe. Oui. Et toujours. Il est toujours, oui. Et il m'a transmis en fait ce bagage musical. Il y a pas, au contraire, ça a été très fluide, très limpide. J'ai eu beaucoup de chance de recevoir ce qu'il m'a donné. Quoi. Parce que lui, en étant dans ce milieu-là, il savait un peu les pièges et aussi il pouvait te diriger vers un circuit pour ne pas t'enliser. Oui, enfin oui et non. Si vous voulez, la musique en elle-même, oui, il a pu quand même m'aiguiller, m'apprendre des choses. Après, sur les pièges du milieu de la musique, il n'a pas trop pu m'aiguiller. C'est très différent en Russie. Il est arrivé dans les années 80, c'était très très différent. Il n'y avait pas Internet quand il est arrivé, il n'y avait pas tout ça. Il est à milieu, et il est toujours à milieu de l'état actuel des choses en musique. Quoi. Mais est-ce que le fait que ton père soit musicien et que toi tu t'es trouvé à travers des instruments, ça t'a donné le goût d'en faire ou si tu avais déjà une curiosité musicale? Non, ça a été un moteur. Okay. C'était un déclic. Quoi. J'ai commencé par le piano, puis après je fais de la clarinette, et après je me suis mis à chanter. Oui. Ouais, au conservatoire, tout ça, oui. Et qu'est-ce qui t'a fait diverger pour le jazz? Je pense que c'est mon père aussi un peu, parce que mon père était aussi dans le jazz après. Donc j'ai entre 15 et 20 ans, j'entendais beaucoup de jazz à la maison. Et qui? Les grands standards jazz qu'on connaît aujourd'hui? Oui, non, c'était pas, même pas les grands standards, moi c'était plutôt les pianistes de jazz que j'entendais. Oui, j'entendais beaucoup de Bill Evans, après il y a Brad Meldo qui est arrivé, tu vois, tout ce genre-là. Et mon père était dans cet univers-là, le pianiste de jazz, et dans cette mouvance-là, et c'est sûr que ça m'a attiré mon oreille, mais après aussi j'étais quand même demandeur, hein. Il faut quand même se l'avouer. Hein. Puis tu as fait des études après les cours classiques en jazz, ou si tu t'es amusé à jouer du jazz sans faire d'école? Le jazz, je ne l'ai pas appris à l'école. Donc moi, j'ai eu une formation très très classique au conservatoire, en clarinette, en composition, en analyse musicale. Le jazz est venu après et en parallèle, puisque j'avais un professeur qui n'aimait pas le jazz et qui était contre le fait que j'en fasse. Parce que c'était de la musique mineure, sans doute, ça. La musique de rue, comme il dit. Ah oui, ok, ouais. Donc, Donc du coup, j'ai pris sur moi, j'ai quand même fait du jazz à côté, tu vois. Et... Mais pour ma mère, tu n'as pas fait ça. Oui. C'était un véritable tyran. Les professeurs en général qui croient à leur... Celui-là particulièrement, je suis bien tombé. Mais est-ce qu'il t'a appris beaucoup ou au contraire... Non, après voilà, je le remercie, je le remercierai encore une fois si je vais le voir. Il m'a appris la musique, hein, clairement. T'as la méthode la plus traditionnelle. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'en tire quand même des bénéfices, tu vois. J'en tire quand même des. Voilà, il m'a appris beaucoup de choses. Ça a été dur, mais il m'a appris beaucoup de choses. Et lorsque on circule à travers le jazz, on fait des rencontres? Oui. Après, c'est très particulier en France du moins, que j'ai pas vu à l'extérieur. C'est difficile de chanter en français quand on est un homme sur du jazz. À part Nougaro, on a parlé. Bah, y a Nougaro, il y a Michel Jonas si tu veux, des gens comme ça. Michel Jonas. Mais beaucoup de gens se sont cassés les dents sur ça. Sauf ces deux-là. Sauf ces deux-là, donc c'est difficile. Et puis tu sais, on a toujours l'envie de comparer, tu vois, avec l'incomparable. Forcément, comparer avec Nougaro, faut pas parce que c'est pas comparable. J'arrive pas à l'orteil, quoi, tu vois. Nougaro, son père était chanteur. Oui. Et lui, c'est pas sa mère. Non, son père. Ah, je crois que c'est oui, sa mais mère. Oui, parce que dans la chanson de l'hymne national de Toulouse, là, il en parle de son père. Mais comme je crois que sa mère aussi était d'accord. Ah, peut-être. Mais son père avait la voix que lui avait, donc c'était comme. Et toi, tu voulais faire autour du jazz instrumental. Tu voulais aussi. Moi, je voulais chanter, hein. Je voulais chanter, j'avais envie d'écrire des chansons, j'avais l'envie de me faire entendre. Toujours en français. J'avais l'envie de me faire entendre. J'ai fait quelques essais en anglais auparavant. Bon, ça marchait pas bien, donc j'ai... L'accent, surtout. Ah oui, j'avais un accent terrible, ça collait pas du tout. Et puis après, le français, et puis j'ai... c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature française. Je lis beaucoup d'auteurs français, comme Romain Gary notamment, qui m'inspire beaucoup. Dans mes chansons, dans mon écriture, et en tout cas, j'aime. C'est l'univers là-dessus. Oui, donc si tu veux, la langue française est tellement riche que ça vaut le coup, quoi. Et c'est un jeu. C'est génial d'écrire des textes en français, des chansons. Ouais. Puis après, on fait ce qu'on a envie de dire, quoi. Mais, Est-ce qu'il y a des gens qui te filent des textes ou si tu te concentres sur tes écrits après? Alors, moi, je me concentre sur mes écrits pour le nouvel album. Le deuxième. Ouais, qui sort en janvier 2017. Que j'ai là d'ailleurs, je sais pas même te l'offrir. Oh, c'est un scoop. Ah, tiens, attends, c'est un scoop. Ouais. Non, mais il est déjà mixé. Et, c'est les maisons de disques qui freinent pour le publier. Oui et non, tiens. Ok, merci. J'ai le droit de diffusion à partir du mois de janvier. Oui, tu peux. Ah. Non, tu pourras même commencer à le diffuser si tu as envie. Hein. Ok, Non, si tu veux, c'est un choix. C'est difficile dans le milieu indépendant aujourd'hui de se faire entendre. Après ça reste quand même de la chanson française, tu vois. Mais ce qui est compliqué, c'est quand on est des petites structures comme ça, on peut arriver au même point, si tu veux, qu'une maison de disque, mais il nous faut plus de temps. Ouais. Il nous faut plus de temps et le champ de manœuvre est pas aussi large et un peu réduit, donc c'est vrai qu'on préfère avec mon attaché de presse qui je travaille maintenant pour l'année qui suit, on a envie de prendre le temps de faire les choses, de construire pour quand ça sortira, ça sortira pas on arrivera à faire 2-3 choses si tu veux. La difficulté. Tu veux pas que ça sorte comme un album obscur. Tu veux qu'il soit vu. Vu à mon échelle, bien évidemment, mais si tu veux, ça représente quand même 3 années de travail. C'est beaucoup, trois années, on bosse avec mon équipe. Donc du coup, je fais pas de concert exprès depuis 2 ans pour qu'on commence ce projet-là. Je veux pas rater la sortie en 2-3 jours. Enfin, rater. Toujours à mon niveau si tu veux, mais j'aimerais bien essayer de. D'atteindre le maximum de personnes et... Talent. légèrement et un peu transversalement, pour ne pas dire étroitement, je te veux obliquement, de biais de dos tout simplement, avec des renversements et un brin d'affolement. Bien sûr, sans abonnement, un peu partout, sans accoutrement, surtout pour de l'apaisement. Je te veux amusément, toi m'amuse au tempérament. Je ne sais pas combien de temps tu me voudras passionnément. Il y a toujours le problème de la période, tu sais. Je sais pas si c'est comme ça ailleurs, oui, mais oui, en France, oui, c'est comme les livres, hein. On peut pas sortir un livre n'importe quand. C'est compliqué, tu vois. L'hiver, bah, c'est difficile. Le printemps, c'est difficile aussi. Mais normalement, c'est un peu avant les fêtes, non? Alors, mais oui, non, mais beaucoup. Il y a plein de discours différents. Moi, par exemple, on m'a dit de sortir en octobre mon album. Au début, j'ai dit OK en octobre. Et puis, mon attaché de presse m'a dit surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on dit ça à tout le monde. Tous les indépendants sortir au mois d'octobre. Il y a trop de disques au mois d'octobre. Donc il faut surtout pas le sortir à ce moment-là. Si tu veux distinguer, si tu veux surtout être pris en considération avec moins de flux musical, hein, s'il y a moins de personnes au mois de janvier. Oui, et puis tu sais, une sortie d'album, c'est quand même. Mais c'est plus tranquille au mois de janvier, c'est peut-être pour ça que ton. Oui, ouais, c'est ça. Et puis tu vois, on a envie de faire ça dans une belle salle à Paris. D'essayer de faire des choses, quoi, tu et vois. Et si tu compares à ton premier album, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ton premier que dans le deuxième, tu as peut-être délaissé? Ben là, en fait, je suis allé dans cet album-là, vraiment dans le concret des choses, sans vouloir en faire trop. Dans le premier, tu en as fait trop, tu trouves? Non, mais là, on a envie de mettre plein d'instruments, mais c'est un petit peu une déformation peut-être du conservatoire. Parce qu'on a en analyse musicale, en composition, on apprenait à remplir, tu sais, des conducteurs d'orchestre. Ouais. C'était très intéressant. Peut-être que j'ai voulu en faire beaucoup, mais c'était pas avec l'envie d'en faire trop, parce que j'avais envie de faire ça sur le moment. Et aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai 30 ans maintenant, tu vois. J'ai envie de dire les choses telles qu'elles le sont. Voilà, avec une façon de réel. Mais est-ce que tu fais autre chose à côté, tu consacres uniquement à ta carrière? Non, je suis entièrement dans la musique. Je vis de la musique aujourd'hui. Ouais. C'était quand même mon but, ça. Mais tu te consacres juste à ta carrière ou tu fais d'autres choses pour pouvoir... Juste à ma carrière. J'ai deux projets. J'ai ce projet-là. Ouais. Et à côté de ça, je fais des spectacles littéraires, musicaux, où je mets en scène des extraits d'œuvres de Romain Gary, Victor Hugo, Lamartine. Et tu parles ça de musique jazz? De musique. Oui, enfin le projet musical, enfin littéraire, c'est très très intimiste. Donc c'est beaucoup d'a cappella. Voilà. Okay. Donc c'est ça. Quelque chose que je fais en parallèle. Okay. Voilà. Alors tu aimes aussi les mots. Oui. Et peut-être de plus en plus les mots, puisque tu abandonnes la musique lorsque tu fais ce projet-là. Oui, parce que c'est vraiment pour la littérature principalement. Donc il faut qu'on entende bien les mots et on essaie de mettre de la musique dans les mots. C'est pour ça que j'aime beaucoup des auteurs comme Romain Gary, comme Victor Hugo, même Flaubert. Je trouve qu'il y a beaucoup de musicalité, beaucoup de rythme, un peu comme Raymond Queneau, dans les mots. Et c'est quelque chose qui me touche énormément, que j'aime énormément. Donc du coup, j'ai eu envie. J'ai commencé au Festival d'Avignon il y a 3 ans à faire ça. Et j'ai eu envie de faire ça en parallèle. Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, que je prenais beaucoup de plaisir et qu'il y avait, il y avait un peu de demande. Donc ça me permettait d'avoir des spectacles supplémentaires. Tu vois. Et qu'est-ce que tu veux raconter dans tout ça? Alors, dans cet album-là, je parle vraiment de moi. Hein. J'essaie vraiment de parler de moi, de ce qui me tracasse, des valises du passé que je traîne. Des valises trop lourdes, comme vous voulez. Lourdes ou pas lourdes, hein, c'est... Mais c'est vrai que j'ai eu envie de parler voilà, de ce que je traîne. Mais sans être narcissique, sans tout ramener à moi. Et dans le premier album, le premier opus, qu'est-ce que tu as voulu? Parce que là, c'est un ramassis de l'adolescence et... Oui, de raconter des histoires aussi. C'est vrai que c'est le premier est plus... C'est plus dans l'histoire, raconter des choses, me mettre dans la peau d'un personnage, okay. Tu vois, et puis comme moi pour ce... Un petit peu, et pour ce disque-là, tu vois, quand j'ai commencé à le préparer, j'ai mon réalisateur, le gars qui a réalisé l'album, qui s'appelle Guillaume Farley, je sais pas si tu connais qu'un chanteur en France qui est assez une très bonne place aujourd'hui, okay. Il a réalisé mon album et il m'a dit, écoute, on va parler franchement, pour le prochain album, il y a tout qu'il faut changer, voilà. Le costume de chanteur de jazz est trop grand pour toi. Et ça, je le savais, je l'ai entendu. Donc, il faut faire un truc qui te concerne, tu vois, qui te représente, voilà, qui représente plus. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce disque. Donc, c'est, on n'en fait pas des caisses. On parle de sujets. Je parle de ce qui me concerne, ce qui concerne les gens. Ah, toucher à toi, ça doit toucher les autres aussi. On essaye, c'est avec une chanson comme C'est la vie par exemple, ou Azam David qui parle d'une chanson entre deux. Après Azam David c'est différent, c'est une chanson qui parle d'une amitié entre deux enfants, tu vois. Un garçon qui s'appelle Azam, un garçon qui s'appelle David. Voilà. Qui a un contexte un peu actuel. Voilà, après si tu veux, cet album-là, ça représente tout mon être. Tu vois, par exemple, la chanson Je te veux, où il y a beaucoup d'humour et de provocation. C'est une partie de moi-même, il y a des parties plus... C'est ton petit côté Gainsbourg? Peut-être, c'est vrai que... Je sais pas si c'est mon côté Gainsbourg, mais en tout cas, j'ai envie... Il y a une part de moi qui aime bien un petit peu jouer avec les mots. Provocation et... aussi. Oui, bien sûr. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ça. Et après, il y a des chansons, Les bouteilles à la mer, par exemple, qui me représentent totalement, où c'est vraiment autobiographique. Et c'est la première fois où, quand j'écoute tout l'album, j'ai aucun regret. Tu vois, je me dis pas, j'aurais bien aimé, ah c'est dommage, je vais faire ci, faire ça. Est-ce qu'on peut attribuer ça au fait qu'il n'y a pas de recul encore? Parce que le premier album, tu l'as réalisé, après ça tu t'es lancé dans le deuxième. Et oui. Lorsque tu prépares le troisième, sans doute que le deuxième, il y a des choses qui correspondent moins à ce que tu... Bien évidemment. Bien évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, vu qu'on sort de deux années de boulot, c'est vrai que j'ai peut-être encore le recul nécessaire, mais aujourd'hui je suis satisfait parce que j'ai trouvé les personnes idéales pour m'aider dans ce projet-là, qui ont vraiment compris ce que je voulais et qui sont allés dans mon sens et qui ont vraiment embelli, qui ont fait grandir mon idée, quoi. Donc actuellement, le résultat, j'en suis ravi. Voilà. Lorsque tu prépares un deuxième album, donc c'est... Après ça, on peut parler de spectacle. Tu veux mettre ça sur scène, tu veux présenter ça sur scène. Est-ce que tu te rattaches à des chansons que tu as faites sur ton premier album que tu veux retrouver sur scène encore? Oui, et certains que tu te dis, oh, on va l'abandonner. Ça, c'était quand même un premier jet et on va les oublier, mais je veux que certains me suivent avec le deuxième album. Ben, le oui. C'est évident que dans le premier, il y a des choses que je ne referai plus, que je ne rechanterai plus aujourd'hui. Mais pourquoi? Pardon? Pourquoi? Parce que c'est plus d'actualité, parce que... Pour toi. Pour moi, et même musicalement, au niveau du texte, c'est des chansons que j'ai écrites il y a longtemps. Entre-temps, bon, j'ai appris à structurer les textes, tu vois, à respecter la métrique, tu vois, vraiment. J'ai suivi certains conseils, etc., que je savais même pas qu'on écrivait comme ça à l'époque, tu vois, quand j'ai fait cet album-là. Donc, j'écrivais vraiment comme tu parlais, je respectais pas forcément la rime, etc. Donc aujourd'hui, il y aurait un travail vraiment de restructuration des textes. de réécriture. Mais il y a quand même certaines chansons du dernier opus qui sont quand même assez modernes et qui se marieront bien avec les autres chansons pour le prochain spectacle, bien sûr. Alors là, tu viens de retirer une chanson de ton premier album que tu vas réutiliser. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois? Actuellement, j'en ai deux. Ok. Mais il prend deux sur un album. J'en ai que deux, ouais. Que je dois lancer un. Lesquels? Tu me l'as dit le premier. Une chanson qui s'appelle Le Croise pas les jambes, qui est sur l'EP qui est sorti il y a deux ans, trois ans. Et celle-ci, voilà, elle était assez moderne aussi, elle va bien dans le style. Et la deuxième chanson qui s'appelle Les Nuées, qui est sur le premier album. Alors donc, tu as trois albums, tu as un album principal, un EP et celui-ci qui sort, okay. Voilà, oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu voulais sortir un EP au lieu de l'inclure dans un album Bah, EP c'était pour avoir de l'actualité aussi. Parce que là ça faisait longtemps que tu avais fait voilà, un album. Voilà, il y a besoin de nouvelles matières. Dis-moi pas, je suis encore là, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Un EP, parce que voilà, on avait fait un petit album avec peu de titres. Deux, trois? Non, il y avait cinq. Ah, c'est bon. Ouais, il y avait cinq et c'est vrai que c'était pas considéré comme un album, quoi. Non, malheureusement, mais c'en est un. Quand même, c'est, ouais, oui, après, oui. Physiquement, c'est un oui, disque. Oui, c'est ça. Mais est-ce que depuis le premier album, depuis le moment où tu fais de la musique, il y a des gens qui te suivent? Oui, oui, je j'espère. Oui, mais est-ce que tu as des retours de ce que tu fais? Tu veux dire des gens qui sont là depuis le début? Qui, ouais, ben, oui, y en a. Qui te suivent. Il y en a, alors je ne sais pas s'ils suivront sur ce projet-là, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus d'actualité, on va dire, musicalement, mais... Est-ce que c'est plus commercial que le premier? C'est pas commercial du tout. Okay. C'est pas commercial, mais c'est sûr que là, on est quand même dans un style musical, chanson à texte, pop, hybride, électronique, quoi. Ah, il y a de l'électro là-dedans? Un petit peu, mais c'est très atmosphérique. C'est et ça la musique correspond et vraiment en adéquation avec le texte. Ok. Tu vois. Quand je ne serai plus belle, diras-tu qu'à tes yeux, j'ai toujours été celle qui t'a rendu heureux. Enfant, je rêvais du beau prince galant. Oui, mais tout compte fait, tu n'es pas si charmant. Voulant de beaux enfants, le besoin d'être père, moi je voulais du temps pour voir la terre entière. Mon cœur a bien changé, mais pas toutes mes envies. Sur toi des ailes ont poussé, bien sûr tu les déplies. Mais pour garder espoir, je dis comment ça va. Et puis vient ce mensonge, fut-il galvaudé. Tu sais mon cœur d'éponge pourrait te pardonner. J'ai le regard sévère sur notre quotidien. Lorsque je casse un verre, j'en meurs de chagrin. Si tu pouvais me dire ne durera pas qu'un jour tous tes désirs seront pour moi. Tu possèdes la clé de nos beaux lendemains, toi qui veux t'amuser et promener tes mains. J'aimerais pouvoir dire que nous avons bravé les embûches les pires, les montagnes enneigées. Espérance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. C'est-à-dire qu'il y a des textes, moi je suis vraiment très dans la suggestion de quelque chose. Comme Scheller sert à faire. Pardon? William Scheller sert à faire. Oui. C'est très atmosphérique et la musique va avec, voilà. Mais il y a quand même un fil conducteur, il y a des idées qui étaient là au début et qui reviennent, et je pense que les gens vont s'y retrouver peut-être certaines choses qu'ils ont entendues et qui leur a plu ou déplu dans le passé. Oui. On verra. Ou peut-être des tics. Est-ce que tu crois avoir des tics? Oui, j'ai gommé des trucs. Hein. OK. Ouais, des défauts de... Mais est-ce que c'est volontaire de les reprendre? Non, alors au début j'avais le problème de l'accent de Toulouse. C'est-à-dire que je mettais beaucoup de E à la fin des mots. Oui. L'amour, tu vois. OK. Non, mais tu l'as pris, ça. Non, j'ai pris des cours de chant pendant plusieurs années. Lionel Belmondo, tu connais? Qui ça? Lionel Belmondo. Lionel, oui, je connais bien. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. D'accord. Mais quel accent? Oui, oui. Si c'est Toulouse qui te parle, mais toi, t'as pas du tout l'accent toulousain. C'est vrai que j'étais élevé par des Est-ce Russes. Est-ce que tu regrettes ou t'es content? Parce que ça n'a pas de... Aujourd'hui, pour la chanson, si tu veux, je suis content parce que c'était pas évident, mais c'était pas qu'une histoire d'accent, hein, l'histoire des E à la fin. C'était un défaut aussi. Ce qu'on aimait, le tour de Nougaro, c'est ça. Hein, c'est le bouquet sonore qui sortait de cette bouquet. Mais c'est tellement unique, Nougaro, tu sais que... Ok, alors on peut pas utiliser. Non, à Toulouse, c'est une religion. Hein. Oh oui, ben oui. On peut pas. Quand tu fais un hymne national, on peut pas revenir là-dessus. Oui, et puis il a... Son nom restera gravé à vie dans la chanson jazz, français, quoi. Est-ce que son univers vieillit bien? Je trouve, oui. As-tu le goût de placer quelques chansons de lui sur scène, puisque tu viens de Toulouse? Je l'ai fait, je chantais pas mal de Nougaro. Hein. Sing Sing Song, je l'ai beaucoup chanté, ah oui. Dans des clubs de jazz à Paris, notamment, où je chantais. J'ai fait ça... Toulouse, j'ai déjà chanté une fois ou deux aussi. Et puis? Au Strong. Parce que quand t'as pas la voix d'opéra de Nougaro, comment... Ouais, j'ai chanté Armstrong dans des festivals, notamment dans un festival du Gers, il y a 3-4 ans, j'en souviens, dans un très beau château. J'ai chanté Armstrong, j'en souviens. Mais j'ai beaucoup fait Sing Sing Song. Ça sonne tellement. Ah oui. Bon, après, c'était pas la version Big Band. Ok, non. Mais lui aussi, il l'a fait dans plusieurs versions. Oui, oui. Il avait fait piano-voix à un moment donné. Oui, oui, oui. Il disait de son musicien qui était pianiste, il dit « J'ai 10 musiciens, c'est 10 doigts de la main. » Oui, oui. Ben, c'est bon, hein? C'est quand même l'univers. Et aujourd'hui, le public en question qui te suit ou qui s'intéresse à toi, il est de quel âge? Il est États-Unis? Alors, pour ce projet-là, on a... Mais là, il n'y a pas encore de public puisqu'il n'est pas encore sorti. Oui, mais on a quand même fait des tests. Hein. On a quand même fait des tests pendant 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on a fait écouter... On a fait des, comme, pas des statistiques, mais on a pris la température, et là, clairement, cet album-là, je pense que c'est 20-45 ans. 20-45 ans en termes de tranche d'âge. Après, bon, ça peut plaire à plus âgés, bien évidemment. Les anciens projets, c'était plus 35, 60, 70. Hein. Donc, on a un petit peu décalé. Alors, peut-être que tu étais beaucoup plus sage dans cette. Oui. Ou peut-être plus solennel. Peut-être bien, oui. Et là, le deuxième, tu t'es détaché. Oui, tu oui. T'es envolé. Il y a ça, et puis j'ai. Et du coup, le public s'est élargi. Des gens sont intéressés à moi et ne seraient pas forcément intéressés auparavant parce qu'ils trouvaient ça un peu vieillot, un peu vieux, un peu désuet. Ouais, c'était quand même surprenant. Voilà, oui. Mais du coup, là, j'ai changé un peu les choses, quoi. Mais la différence. Entre le studio et la scène, c'est le public. Et lorsque tu prends des chansons de tes albums sur scène, est-ce que tu laisses la place à l'improvisation musicale? Est-ce oui. Alors, je laissais beaucoup. Je laissais beaucoup sur le premier album, sur l'EP. Ça m'a un peu desservi. J'avais du mal à trouver ma place sur scène, en tant que chanteur, hein, tu vois. Et c'est pour ça que cet album-là, si tu veux, est quand même différent, puisque j'ai réellement trouvé ma place aujourd'hui, musicale, que ce soit dans un album ou que ce soit sur scène. Donc auparavant, je prenais part à l'improvisation, etc. Mais c'était, il y avait beaucoup de choruses, de tous les instruments, etc. Et aujourd'hui, on a plus recentré les choses. C'est-à-dire que la musique est plus dans la voix, les choses, tu vois. J'ai réellement trouvé ma place aujourd'hui. Est-ce que tu as des musiciens qui te suivent depuis le début ou si tu les cueilles un peu partout? Alors là, ça depuis... Tu es un cavalier seul et c'est... tu vas chercher tes... Alors j'ai changé mon équipe il y a 3 ans. Il y a une personne qui est restée de là, qui est là depuis, depuis 3-4 ans, qui s'appelle Romain Berguin. C'est grâce à lui. Hein. Si l'album sort aujourd'hui, c'est uniquement grâce à lui. C'est, ouais, c'est un type, c'est un génie, un véritable génie de, aujourd'hui, de la musique. Et, il est très jeune, il est brillant. Et il m'a. Ah oui, il a même pas 25 ans, c'est une catastrophe. Hein. Il m'a amené tous les éléments dont j'avais besoin. Que ce soit les musiciens, les idées musicales, pour vraiment pour faire grandir et pour m'aider à trouver une place qui est la mienne aujourd'hui dans, avec ce projet-là. Voilà. Est-ce qu'il habite Paris? Pardon? Est-ce qu'il habite Paris? Oui, il habite Paris. Ah, il... Non, mais il va falloir que je te raconte. C'est un... Bon, c'est quelqu'un... C'est un garçon qui est dans l'ombre, hein, mais c'est quelqu'un à qui je dois énormément. Et comment tu l'as rencontré? Ben, c'est quand j'ai fait Avignon. J'avais un pianiste. Un peu comme cette année là, où on retrouve du théâtre, toi tu étais là avec les troupes de théâtre. Voilà, c'est ça, je faisais mon spectacle à Avignon et mon pianiste que j'avais à l'époque m'a planté un peu au dernier moment. Il voulait plus faire Avignon avec moi, il préférait faire autre chose, donc il a choisi. Donc du coup on a pris un remplaçant, c'était Romain. Et Romain, au bout de 2 jours, m'a dit si tu veux je reste. Et j'ai dit bah avec grand plaisir. Et puis il est resté. Voilà. L'autre a perdu sa place. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que. Il y a cette osmose là. Est-ce que votre vos univers se sont amalgamés? Oui, nos univers vont bien ensemble. Après, on est très amis, on s'entend très bien. On a. Comment dire? Les idées se fonctionnent bien, quoi. C'est-à-dire mais que lui, il est beaucoup plus musical et toi, plus narratif ou Indéniablement, oui, mais pas forcément. Pas forcément. Il comprend ce que je veux, voilà. Il comprend très bien ce que je veux. Sans trop d'explications, il va à l'essentiel très rapidement. Et il sait trouver la bonne personne pour aller au-delà de l'essentiel. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté. En un mot, il sait mettre en valeur tes mots. Oui. Il m'a beaucoup apporté. Il m'a trouvé vraiment le réalisateur, l'ingé son, les musiciens qui sont venus, qui ont joué le jeu. Et c'était une équipe vraiment très professionnelle. Hein. L'ingé son de Johnny Hallyday, des gens comme ça, des gens qui ont vraiment un très gros bagage aujourd'hui. Des musiciens très talentueux qui jouent avec des pointures. Donc c'est sûr que ça m'a permis de faire un projet avec des gens qui ont mis leur expérience, leur savoir-faire au service de mes chansons. Mais les gens qui connaissent la musique, on sait très bien que les musiciens de studio se retrouvent rarement sur scène avec l'artiste. Donc, as-tu commencé à recruter tes musiciens? Alors, on est en pleine recherche actuellement. Okay. On est en train de définir qu'est-ce qui est le mieux, que ce soit musical, que ce soit scénique aussi, puisque c'est important aujourd'hui. Il faut réfléchir. Pardon? Il faut avoir un peu de budget. Il faut avoir un peu de budget. Bon, parce ça, que l'éclairage, c'est quand même assez cher. Il y a ça, et puis il faut trouver des gars qui faut les rémunérer. Hein, donc, bon, ça, il y a toutes les recherches à faire. De toute façon, c'est un boulot que je fais, qu'on fait depuis 2-3 ans déjà. Hein, toutes ces recherches-là pour faire un album, pour faire la promotion de celui-ci. L'album, c'est cher. Hein, de toute façon, on sait très bien comment ça se passe. Et le promouvoir coûte encore très cher. Voilà. Donc oui, on est en pleine structuration et construction du live. On part en résidence au mois de septembre à Paris pour préparer tout ça, quoi. Est-ce que tu aimerais avoir des musiciens sur scène qui se soudent à toi, histoire de les revoir des années plus tard, afin que ça devienne vraiment un groupe Un groupe? Ah ben, moi, c'est souvent ce que je regrette aujourd'hui. De ne pas avoir eu de groupe. Tu vois, un groupe avec un nom de groupe, oui, avec lequel on partage les réussites, les échecs, les craintes. On avance à plusieurs. Ça, c'est vraiment un grand regret. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je pourrais difficilement revenir en arrière et faire différemment. Ça peut commencer, mais aujourd'hui, si tu veux, j'essaie de mener comme je peux ma barque que je vois dans cet océan. Et pour ce projet-là, je vois difficilement monter un groupe aujourd'hui. Quoi. Mais trouver des gens qui acceptent d'avancer un peu avec moi, sur cet océan-là, oui, on va trouver, c'est certain. Je suis un passeur sur la terre. J'ignore le pourquoi du comment. Une mélodie flotte dans l'air. Elle fait danser mes sentiments. Je glisse sur une portée de partition. Marche dans du tag swing. En guise d'ultime explication. Laissez-moi seul dans mon smoking. Car c'est coiffé d'une contrebasse. Chaussé d'un trombone à coulisses. Que je déambule sur la place. Swinger du temps jadis. Je glisse sur une portée de partition. Marche dans des plaques de swing. En guise ultime explication. Laissez-moi seul dans mon smoking. Mettant mon costume à 100 balles. Il y a de la place pour deux. Pour voir mes empreintes. Oui, bien sûr. Aucun problème là-dessus. J'ai pas de... Ils peuvent être beaucoup plus âgés que moi, beaucoup plus jeunes. Filles, garçons, aucun problème. Et toi, comment tu t'implantes là-dedans? Est-ce que tu es le leader ou si tu laisses d'autres musiciens amener leur grain de sel? Alors ben maintenant, je suis le leader. Ok. C'est-à-dire que vu que la... Une grande partie de la musique, la musicalité aujourd'hui est dans la voix. Dans cet album, tu verras quand tu l'écouteras, c'est dans la voix, donc sur scène déjà on n'est plus que trois. Tu vois, il y a clavier, guitare et chant avec des éléments supplémentaires comme des claviers, des pads électroniques, puisque je veux faire autre chose en plus que chanter. Donc tout est centralisé dans la voix, tout rentre dans la voix. Donc c'est quand même très différent, alors qu'auparavant il y avait quand même le piano qui avait un élément qui était un élément essentiel. Le piano acoustique a été remplacé par plusieurs claviers. C'est-à-dire qu'il y a plein de claviers. Le clavier a plein, une espèce de montagne de claviers sur scène. C'est ce qui est chouette, hein. C'est très très chouette. Et auparavant, le clavier classique, acoustique, était un élément indispensable et qui prenait toute la place, mais c'était voulu. Mais du coup, il prenait trop de la place, Il y avait deux chorus par morceau, c'était un peu trop. Aujourd'hui, les chorus ont été quand même réduits de 80%, 90% même. Donc c'est bien, je suis content et je suis content d'avoir trouvé des personnes qui ont pu m'aider à faire en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pu comprendre, admettre tout ça et que le projet est avancé de la sorte. Quoi. Est-ce que ça arrive quelquefois que tu fais des concerts en lien avec d'autres chanteurs ou chanteuses donc, des coups plateaux. Et que tu chantes des chansons d'une chanteuse ou d'un chanteur et Je l'ai fait ça déjà. Ouais. Et comment tu trouves ça entendre tes chansons chantées par d'autres personnes? C'est chouette, hein. C'est rigolo. C'est rigolo, moi ce que j'aime, c'est entendre. En même temps, c'est curieux parce que ça vient de toi et c'est chanté par des personnes. Ouais. Moi, il y a un gars une fois qui avait chanté comme ça sur. C'était Astafor. Une de mes chansons, il avait une voix très très, vraiment le baryton basse, okay. Très très grave et... Un peu à l'Arthur H. Ouais, mais pire qu'Arthur H. Okay. Ouais, Arthur H est un peu à la Miossec et encore pire que Miossec. Niveau grave, niveau vraiment en termes de grave. Hein. Ok, ouais. Et je trouvais que c'était rigolo, qu'il y avait une forme de sensualité, c'était chouette, fait que, qu'il n'y avait pas quand je l'ai chanté moi. Et est-ce que tu lui as dit tu peux continuer à la chanter sur scène? Non, parce que c'est pas trouvé, mais si m'avait demandé, j'aurais accepté. Hein. Es-tu un garçon timide ou tu veux défricher et tu rentres à quelque part, tu veux t'imposer? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a le côté théâtral qui veut s'imposer parce qu'on n'a pas le choix, je crois. Show business. Show business, enfin oui, non, mais si tu veux, oui, il faut de sens imposer, il faut y aller. Après, c'est sûr que au fond de moi, je suis quand même assez... Réservé. Pas réservé, mais c'est même pas timide parce que je suis assez ouvert et je suis pas trop timide. On peut dire ça à la limite un tout petit peu, mais... Enfin, est-ce que tu étais seul dans ton coin avec tes instruments, avec ton crayon, ou si tu avais des amis et tu jouais avec eux? Au départ. Étais-tu solitaire? Au départ? Enfin? Au départ, j'étais seul. Complètement seul. Volontairement ou involontairement? Parce que j'essayais de monter des groupes, ça marchait pas. Ok. Donc ça a monté et mais ça... Mais t'as changé? Pardon? Quoi, t'étais grassou? Pardon? Quoi, qu'est-ce que tu disais tantôt? Tu étais comment? Non, j'étais. Ça n'a pas marché. Ok. Pourquoi ça n'a pas marché? Bah parce que pas les mêmes attentes, pas les mêmes longueurs d'onde, j'étais peut-être trop. Pas trop motivé, mais. Les autres voulaient pas que ça aille plus loin que ça, quoi. C'était. On joue ensemble le dimanche, et moi c'est pas ça que je voulais aller plus loin. Okay. Je voulais monter un projet, je voulais défendre, je voulais aller plus loin que ça. Tu avais un monde à faire découvrir. Et donc du coup, quand t'es comme ça, c'est difficile de monter un groupe. Bon, donc du coup, ben, j'ai fait cavalier seul. Et puis, j'ai trouvé des éléments sur mon chemin. Et c'est comme ça que t'es devenu aussi artiste en étant seul et en peaufinant dans ton coin. Ah bah, bien sûr, toujours parce qu'on est de toute façon amené à marcher avec sa solitude pour et l'apprivoiser justement cette solitude pour le bien de notre projet. Hein. C'est un mal pour un bien, mais ça, en tant qu'artiste, on en a besoin aussi, quoi. Pourquoi pour prendre du recul pour prendre du recul et parce que moi je suis un peu un artiste contemplatif, quoi, c'est-à-dire que on s'inspire des choses qu'on voit, quoi, tu vois. Écris-tu régulièrement ou c'était plusieurs mois, plusieurs années à poser ta plume et à éponger tout ce qui se passe, à absorber tout ce qui se passe pour après ça le représenter autrement? Ou si t'es un écrivain ou un créateur impulsif ou du quotidien? Ça dépend. Il y a eu pendant plusieurs mois, j'ai réussi à tenir un journal où chaque jour j'écrivais quelques vers. Enfant ou adulte? Adulte, okay. Hein, c'était il y a un an ou deux, okay. Où je me suis dit, chaque jour je vais écrire une petite chanson, mais deux, trois vers, tu vois, pas plus. Donc pour le jeu, ça m'a beaucoup amusé. Malgré tout, moi je suis quand même le genre de personne qui contemple, qui analyse les choses et qui les recrache peut-être 4-5 mois après, tu vois. Je suis pas un écrivain quotidien, j'arrive alors, pas. Alors t'es comme le puits, tu ramasses l'eau, puis après ça tu... C'est un peu ça. J'écris beaucoup dans l'urgence. Ah oui, ok. Mais moins aujourd'hui, parce que je sais qu'il faut du temps, mais je suis pas celui qui écrit des chansons chaque jour dans son cahier. J'ai essayé, j'ai tenu 4-5 mois. Et... Est-ce que tu trouves des fois des anciens écrits que tu veux reprendre parce que trouves ça intéressant? Est-ce que tu surprends toi-même? Ah oui, des fois oui. Ça peut être 2-3 mots. Hein. Des fois, je reviens en arrière dans les pages, dans les vieux textes que j'écrivais il y a des années, et sur une phrase qui est peut-être un peu nulle, Il y a peut-être deux, trois mots qui je récupère. Ouais, ouais, ouais. Que tu veux peaufiner, que tu veux amener au goût du oui, jour sûr. Et surtout présenter aujourd'hui au moment où que tu, parce qu'à un moment donné, on évolue, on n'est plus à la même place, donc les mots que tu voulais dire étaient peut-être tout proches et tu voulais les replacer bien sûr. Dans la circonstance actuelle. Oui, je dirais qu'il y a des mots que tu retrouves, et puis avec le temps, tu as mûri, tu as avancé, et les mots n'ont peut-être plus la même signification aujourd'hui, mais c'est intéressant justement de comparer hier et aujourd'hui, et d'essayer de trouver un juste milieu. Je crois. Est-ce que ton cheminement est pour toi un cheminement normal? Est-ce que tu trouves que tu as vraiment été à la vitesse que tu devais aller ou si tu as été un peu trop rapide ou un peu trop lent dans cette... Non. Je fais partie des nombreux artistes. Il y a de toute façon 10 ans de galère avant, hein, minimum, c'est le jeu. Et puis heureusement que c'est comme ça, j'ai envie de dire. Même si c'est pas évident tous les jours, mais il faut beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps et pour se construire et pour avancer et pour éclore. Et je pense que non, je vais pas trop vite, ça va pas trop vite. Des fois je trouve que ça prend. Des fois je trouve que c'est trop long, hein, j'aimerais que ça aille plus vite, hein, mais les choses sont ce qu'elles sont. Quoi. Et j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Si tu étais un liquide. Hein, pardon, hein? Un liquide. Si tu étais un liquide. J'ai 10 questions de la fin pour voir vers où ça va. Liquide? Liquide. Un liquide. Un liquide, pardon. Ah, c'est l'accent, hein? Liquide. Excuse-moi. Un liquide. Oui. Qu'est-ce que je serais si je serais un liquide? Oui. Je pense que je vais passer pour un vieux. Ok. Non. Je pense que je serai une infusion. Tisane. Oui. Quelque chose qui apaise. Ok. Parce que tu veux être plus zen ou tu es déjà assez. J'ai appris à l'être, à le devenir, si tu veux, avec les difficultés, des étapes, des fois dans la vie, il faut. Être en accord avec soi-même et vivre l'instant présent ici maintenant, et pour ça que la tisane peut aider dans ce cas-là. Étais-tu un garçon nerveux avant? Non, j'ai jamais été comme ça. T'étais vraiment réflexif, t'étais vraiment... Oui, mais j'ai jamais été nerveux, je m'énerve jamais, je ne me dispute avec personne, enfin, voilà. Vraiment, enfin, je m'énerve jamais. Si tu étais une ville... Une ville? Luca, en Toscane. Ah oui, ok. Oui. J'aime énormément l'Italie et j'y suis allé il y a quelques mois en vacances là-bas en Toscane et c'est une vie absolument magnifique. Est-ce que tu parles italien? Absolument pas. Et comment tu fais pour être compris? On bidouille. Avec les gestes. Beaucoup, ok. Alors. Je me souviens de toi dans ces années obscures où tu te promenais avec un rat en laisse. Les cafards te disaient l'amour vient du futur et te laissaient leur croix comme on laisse une adresse. Maintenant tu me regardes avec les yeux flétris, bouffé par la machine à plastique et les rêves. Tu me tends ton ticket pour la foire aux zombies et m'invite à trinquer au Doomsday. S'il a bien pris sa dose, nous sommes de vieux enfants traînant nos écorchures à travers les décors jolis d'un vieux cartoon. Nous marchons sur Berlin en gobant nos œufs durs et nous sommes à Paris victimes d'un baby boom. Nous ne sommes que des fantasmes fous d'un computer avec son œil grinçant fouillant dans nos cerveaux. Dans la fluorescence bleutée de son scanner, je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau. Les mômes de ton quartier se déguisent en momies. aigle lentement tourne autour de ta chambre. Les assassins défilent en levant leur képi. Les bébés tombent du lit en lisant Mein Kampf. Love, oh love. Hier je t'aimerai de mon amour taxi. Hier je t'aimerai de mon amour toxin. Hier je t'aimerai dans un bar à minuit. Des soirs où la tendresse fait plus bander les chiens. Love, oh love, love. Les ambulances attendent le long des terrains vagues. Les réverbères s'allument au fond des catacombes. Les bulles servies par l'autoroute pour le stade. Dois-je me faire installer le téléphone sous ta tombe? Sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Oh love, lové sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Oh love, lové sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Oh love, lové sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Oh love, lové sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Et tu me demandes s'il a bien pris sa dose. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Si tu étais une langue... Le russe. Je suis d'origine russe. Ouais. C'est la plus belle langue du monde. Est-ce que tu avec le français. Oui, couramment. Est-ce que tu l'écris? Pas très bien. Mais Berman, qui est un compositeur, là, Boris Berman, m'a montré une composition en russe, écrite en russe, qu'il a fait récemment. Ah d'accord. C'est assez particulier. Oui, oui, j'imagine. Il m'a montré l'écrit. D'accord. Si tu étais un mot. Un mot. Rêve. Est-ce que tu trouves qu'on rêve assez ou au contraire on... Bah écoute, en tout cas, moi je l'ose espérer. Il y a une phrase, une très belle phrase de Victor Hugo qui dit rêver c'est le bonheur et attendre c'est la vie. Et c'est pour ça que c'est important d'aller suffisamment et plus encore. Et si tu fais de la musique, qu'est-ce que c'est pour faire rêver les autres? Non, je le fais parce que j'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'aller au-delà de ce que je peux, à me sortir de moi-même, je pense. Je le fais pour mon papa aussi, pas par devoir, hein, mais par envie de continuer ce qu'il a fait, quoi, tu vois. Et sur scène, arrives-tu à entrer en transe et oui. De sortir Moi, il y a eu des fois où... j'avais l'impression d'être perdu. Il y a eu des scènes, je m'en souviens, la scène Bastille, c'est une salle qui n'existe plus à Paris aujourd'hui, qui a été remplacée par une boîte de nuit, je crois que ça s'appelle Badaboum. Et j'étais à la scène Bastille, et à un moment donné, je ne savais plus où j'étais. J'étais peut-être allé un peu trop loin, mais pas en termes de gestuelle, mais en termes d'implication, je crois. Et ça m'avait beaucoup plu, en fait. Hein. Et c'est de revenir après qui est difficile. Le retour a été très difficile. Ouais. L'atterrissage a été très difficile. J'en connais quelques-uns qui faisaient ça. Il y a Brel qui le faisait. Mmh, ouais. Il y a Bachung qui le faisait. Bien sûr. Mais c'est avec la répétition que Bachung amenait une certaine... c'était presque une incantation vaudou. Hein. Ah oui? Ouais, mais c'est assez spécial. Si tu étais une époque... Une époque? Je pense que ça serait plutôt les années 60, l'époque des Beatles. Toute cette époque-là. Et en Angleterre, bien évidemment. Ah oui, voilà. C'est Liverpool. Hein? Pardon, Liverpool ou Londres, hein, bien sûr. J'ai vécu à Londres une année, donc j'aime beaucoup cet endroit. Pardon? Pourquoi? Pour pour les Beatles. Non, pour la musique. J'ai envie d'y aller, c'est un rêve de gosse de vivre à Londres un jour. J'ai vécu une année là-bas, c'était merveilleux. Et... As-tu produit quelque chose? As-tu créé quelque chose? J'ai écrit des chansons, oui. J'ai écrit des chansons. Avec des musiciens londoniens? Ou... Non, mais j'ai pas mal jamé là-bas avec des gens, dans des clubs, mais j'y suis allé parce que j'avais envie, plutôt petit, d'aller en Angleterre. Et c'est pour ça qu'une époque, moi, les années 60, 70, l'époque des Beatles, ça m'aurait plu. Si tu étais un aliment? Ah ben le chocolat, forcément. C'est un antidépresseur merveilleux, le chocolat. Pour revenir aux Beatles, là, si tu avais à choisir un des membres, ce serait lequel? Ah, Paul McCartney. Je l'ai vu deux fois en concert déjà. C'est magnifique. C'est magnifique ce que ce gars... Tu l'as vu récemment, donc assez âgé? Il y a 2-3 ans. Ok, ouais. Ça m'avait marqué. La première fois que j'ai vu, c'était à l'Olympia. Je faisais la queue pour acheter la place. Et à côté de moi, il y avait un monsieur qui avait 50 ans, qui a pris son téléphone, il a appelé sa secrétaire. Il lui a dit, oui, je ne me souviens plus du prénom de secrétaire. Il a dit, écoutez, annulez tout mon rendez-vous, ma mère est morte, je ne pourrais pas être là aujourd'hui ni demain. Et il raccroche, il me dit, ouais, pour aller voir les Beatles, il y a n'importe quoi. Et ça m'a marqué, tu vois. Et après, quand je l'ai revu à Bercy, où je voyais des gens pleurer, qui avaient l'âge de mes parents, tu vois, plus de 60 ans, en train de pleurer, qui me disaient, je réalise un rêve de gosse. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Non, et puis les Beatles, même pour mon père qui est russe, tu sais, les Beatles étaient écoutés en cachette à l'époque là-bas. Donc c'est très important pour moi et pour beaucoup de gens, je pense. Si tu étais un aliment, un aliment de chocolat. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Si tu étais une saison. L'automne. Pourquoi ça Déjà, il fait pas trop chaud déjà. Il fait pas très chaud déjà, c'est bien. Okay. Pas trop la chaleur. Okay. Non, c'est les couleurs. Ouais. Comme l'été indien chez vous. Ah, oui, effectivement. Hein? Oui. Il manque juste Joe Dassin. Voilà. Si tu étais un membre corporel. Oula, je vais pas me perdre dans la question. Ok. C'est dur, hein, comme. Ben. Un membre corporel, pas un organe, c'est dommage. Je vais dire, allez, le bras pour écrire. Ah oui, la main. La main et le bras. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Ah, le matin. Comme actuellement. Oui, oui. Mais tôt le matin. 6h30, 7h du matin, la journée commence. Très tôt ou tu te couches très tard? Ça dépend. Mais c'est vrai que je me lève tôt et c'est un moment le matin que j'apprécie particulièrement. Pour voir passer la journée, pour voir ce qui se passe. Oui, oui, puis on est entre deux, entre le sommeil et l'éveil, et je trouve que c'est agréable. Voilà. Moi j'aime bien ce moment-là. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Connu ou. Peut-être que je serais une femme pour une seule raison. Pour voir ce que c'est d'être fort. Fort. D'être fort. Je trouve que les femmes sont plus fortes que les hommes dans la vie. Et sont moins lâches que nous, réfléchissent plus que nous. J'aimerais bien voir comment c'est. Mais c'est peut-être dû à la maternité. C'est possible. Mais la femme est au-dessus de l'homme. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Peut-être. À choisir, est-ce que tu ferais la même chose? Tout pareil. Avec les mêmes virgules, les mêmes. À 2-3 virgules près, forcément. Ouais, des choses qu'on oublierait. Mais non, mais j'irai sur le même chemin. Peut-être que je réfléchirai davantage sur certaines choses. Au début, je me suis beaucoup précipité. Je suis quelqu'un qui va à fond à chaque fois dans ce que je fais, dans un projet. Peut-être qu'avec. Si je devais le refaire, je prendrais un peu de recul. Je cogiterai plus là-dessus, tu vois, mais je ferai de la musique de toute façon. Est-ce que tu, sur ton deuxième opus qui sortira en janvier, tu lui souhaites quoi à cet album-là? Tu voudrais le voir où? Le plus haut possible, forcément. Oui, j'aimerais qu'il touche le maximum de personnes, que les gens aiment l'écouter, que les gens en parlent autour d'eux, surtout, mais j'espère qu'il y aura le plus possible pour ça. Est-ce qu'on vient te voir souvent pour te dire, ben la chanson que tu viens de chanter m'a touché? Oui, il y a deux chansons où on me dit ça, et je suis vraiment content, c'est Azam David, parce qu'il y a un contexte d'actualité, qui touche forcément les gens, et une chanson qui s'appelle « Quand je ne serai plus belle », où les gens, je vois beaucoup de gens, des couples qui ont 50, 60, qui s'appelait, donc c'est chouette. Et non, cet album, je souhaite qu'il aille le plus haut possible. La semaine prochaine, on va tourner le premier clip du single de l'album qui s'appelle Animal, la chanson. Où à Paris ? En région parisienne, voilà. Donc on va tourner ça la semaine prochaine avec mon équipe. C'est combien de temps ? C'est une journée, deux ? Alors c'est tourné sur une journée et sur une nuit, en pleine nuit. Mais comment tu veux que cette vidéo-là, ce clip-là, tu veux amener quelle atmosphère, ça sera la surprise. Hein. Ça sera la surprise. Ben voilà, ça sera. Ça sera à mon image. Est-ce que tu veux jouer au réalisateur ou si tu laisses les autres travailler? Non. J'estime qu'on ne peut pas tout faire. Réaliser un clip, voilà, c'est un véritable métier. C'est comme attaché de presse, c'est comme tourneur, c'est un savoir-faire. Le clip a été confié à une fille qui s'appelle Amélie, qui travaille très très bien, et donc c'est elle qui est en charge de la réalisation du clip. C'est un truc que je ne saurais pas faire, et puis c'est important des fois de confier son bébé à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais déjà comment tourner, ça va? Est-ce que tu connais le scénario? Oui, je connais. Okay. Et t'es prêt à jouer le jeu? Ah bah, en totalité. Et est-ce que le fait de jouer va éveiller en toi peut-être le goût de te rendre plus loin? Peut-être, ouais. Mais après, je vais pas jouer un rôle, hein, quand même. Dans ce clip, c'est esthétiquement... au niveau de la réalisation, tout, c'est vraiment à mon image, tu vois. Et ça c'est bien, c'est la réalité, ça a compris ça. C'est le respect aussi. Il y a ça, elle va pas me faire des trucs, tu vois, que je fais pas. Donc c'est quand même très en rapport avec ce que je suis réellement. Bon, il faut être dans la réalité des choses. Quand tu tournes un clip, tu vois, il faut... Oui, mais avant ça, elle t'a rencontré, vous avez discuté. Ah oui, on travaille. Ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus. Sur le clip. Mon amour. Sur les clips, sur les vidéos, notamment ce clip-là, puisqu'on a beaucoup d'espoir dans le titre, dans la chanson Animal. Y a beaucoup d'attentes derrière cette chanson aussi. Donc c'est un travail de longue haleine, si tu veux, par rapport à ça. C'est minutieux, c'est préparé. Lorsque tu la feras, cette chanson-là, sur scène, pourras-tu refaire la chorégraphie ou... S'il y a suffisamment d'espace, pourquoi pas. Okay. Ça paraît que c'est compliqué, il y a beaucoup de salles, notamment à Paris, où il n'y a pas trop d'espace. Est-ce que... Ouais, il y a une petite salle. Est-ce que, depuis que tu fais de la musique, t'es produit en Belgique, en Suisse? Oui, j'ai joué en Suisse, j'ai joué en Belgique. La Suisse et la Belgique, ça m'a beaucoup plu. Vraiment. Et j'espère vraiment que j'allais jouer au Québec un jour. Ben oui, voilà. Festival d'été, festival de jazz. Et même des petits endroits. Je m'en souviens, je suis allé à Montréal il y a un hiver, c'était il y a 3-4 ans. J'ai passé le nouvel an là-bas. Et je m'en souviens d'être passé devant un petit théâtre à Québec. La petite ruelle de chance. Hein? La ville de Québec. Oui, la ville de Québec. Okay, moi, et je m'en souviens, c'était une petite ruelle. Le petit champ, oui. Voilà. Ah, oui. Et c'est un endroit que j'ai vu, j'aime bien jouer là-bas. 500 places. Ah oui. 500 places. D'accord. Jacques Higelin est passé faire un spectacle. D'accord. De 4h30. Ma copine de l'époque était enceinte. Elle avait 8 mois, elle n'était plus capable à la fin, elle avait mal aux fesses, au ventre, partout, et c'était un spectacle mémorable. Et tu rentrais à l'intérieur? Non, j'ai pas pu. Non. Ok, c'est des pierres. C'est des pierres. Le son est extraordinaire. D'accord. C'est des tables, c'est vraiment très intimiste, très intéressant. C'est une très belle place de concert. Ouais. Ouais, puis même, j'aimerais bien arriver à aller jouer à Tadoussac, puis à tourner un petit peu, tu vois. Donc c'est en cours, on va essayer de faire ça peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Quand? As-tu un tournant? Pas encore, on est en discussion avec certains, si tu veux, pour le projet. Donc on verra quoi, mais en tout cas les jeux au Québec... Écoute, j'espère d'être l'étincelle ou je sais pas, le déclencheur de quelque chose. Et je te souhaite bonne route avec ce deuxième opus. Ben, c'est gentil et merci en tout cas pour toutes tes questions et ton intérêt. Ben écoute, ça fait plaisir et surtout que la langue française résiste à tout ce fléau et à tout ce marasme. On va espérer, on va continuer sans s'adapter. Aujourd'hui, il y a une mode du franglais. Ah ouais. Couplé en français, refrain en anglais. Moi, c'est plus ici davantage. Ils font tout ça. Oui, mais en même temps, nous, le problème, c'est qu'on est envahi. Vous, vous l'êtes pas encore. Ouais. Vous, vous l'êtes peut-être, mais sournoisement. Peut-être, oui. Ah, puis, moi, c'est pas un truc qui me botte. Vraiment. Comme disait Fernand Reynaud, restons français. Oui, oui, je suis un peu dire. Non, non, après, je suis pour la diversité et tout ça, si tu veux. Mais c'est vrai que la langue française est tellement riche. Il y a tellement de synonymes, de mots, il y a tellement de richesse que c'est dommage. Mais après, il y a un public qui est friand des chansons. Des chansons un peu plus accessibles et d'autres non, quoi. Donc on pourra dans tous les cas toucher des gens. Mais de plus en plus, on va vers la facilité, malheureusement. Parce qu'on veut pas. On veut pas prendre le temps de réfléchir, on veut pas prendre le temps. C'est comme ça aussi au niveau culinaire, hein. On veut manger ce qui est rapide, même si c'est moins intéressant que ce qui est artisanal. Alors, les gens veulent plus réfléchir, en fait. Les gens, ils veulent. C'est un peu comme le problème la folie d'Internet, des téléphones, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils veulent s'aérer la tête, ils veulent quelque chose de simple, de rapide, d'instantané. Il y a une très jolie phrase de Michel Serres sur les téléphones qui dit « Maintenant, tenant en main le monde. Maintenant, tenant en main, tu vois. » Et c'est ça, en fait. Et je trouve que la musique, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il faut respecter certains codes, ou pas respecter, mais il faut... les gens veulent se divertir, les gens veulent fantasmer, c'est un peu fort que j'ai, mais c'est vrai, quoi, tu vois, c'est pour ça qu'il y a... Mais ça passera. Et restera ce qui restera, je crois. Moi, je crois vraiment que la vraie chanson, même si elle est alternative aujourd'hui, elle est quand même toujours là, tu vois. Mais en même temps, pour défaire des codes, il faut les connaître. Oui. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, se lancer dans quelque chose si on n'a aucune base. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Oui. Moi, je veux dire un truc, hein. Il y a un truc que j'oublierai jamais. Moi, je ne citerai pas ce chanteur. Un chanteur très connu, que je me suis retrouvé avec lui dans un studio francophone, oui. J'étais avec des partitions, voilà, il m'a dit « Ah non, c'est bien, j'aimerais bien savoir lire la musique, hein, genre. » Voilà. Ok. Gars, j'ai fait carrière, bien sûr. Il est extrêmement connu, voilà. Ok. Je n'irai pas. Mais c'est dommage, voilà. Et je crois que c'est la différence entre les gens qui veulent être connus et les gens qui veulent faire la musique. Voilà. C'est-à-dire que c'est un autre chemin, c'est différent. Et avoir de la base classique, ça donne beaucoup plus d'ouverture et pour faire autre chose. Déjà, ça apprend les bases, quoi. C'est comme quand tu veux, si vous créez un roman, il faut apprendre la grammaire et la conjugaison, apparemment. Gainsbourg a obligé sa fille Charlotte à étudier le piano classique. Après ça, tu feras autre chose, mais au moins, elle a base. Tu peux après te lancer. Il a eu raison, hein, je pense. Ouais. Et puis vers toi, mais il faut que tu connaisses. Il faut avoir quand même un socle pour pouvoir exploser. De toute façon, c'est comme quand tu construis un mur, hein, faut que les fondations soient solides. Hein. Ah oui, il faut avoir des racines, il faut bien l'ancrer, sinon ça va s'envoler. Voilà. Le petit cochon, l'histoire des trois petits cochons, c'est pas n'importe quoi. Donc, le classique. Après, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par le classique et qui font des très belles carrières. Hein. C'est les bases, il faut apprendre les bases, ouais. Je pense, et prendre le temps de les apprendre. Aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai beaucoup de cours de musique quand je suis arrivé sur Paris. Les gens ne veulent même plus entendre parler d'apprendre la musique classique, ils veulent de suite. Ils veulent avoir la guitare puis jouer les Beatles. Voilà, c'est dommage. Bah oui, peut-être que ça changera, mais. La facilité encore. Oui, oui, oui, tout rapidement en fait. Mais c'est comme ça. Ah, tu vois, après, tu vois, je sais pas comment ce sera dans 10 ans, tu vois, dans 15 ans. On verra. Au jour le jour. On verra. Hey, merci d'être passé à mon émission. Mais merci à toi. Puis, ben, écoute, on va diffuser avec beaucoup de plaisir et on se souhaite la meilleure des chances. Et, peut-être on va venir te voir à Québec. Ben, j'espère. Hein? Malheureusement, rien n'est prévu pour le moment, mais j'espère. Ben, l'album n'est pas encore lancé. Voilà. Ok, merci. Excellent, ça s'est bien passé. Ouais, super. Est-ce que je peux prendre des photos pour lorsque ce sera diffusé, on va présenter des photos. Ok. Diffusé quand? Je sais pas encore. Parce que je fais mes rencontres, puis après, ouais. Mais aimerais-tu que ce soit en janvier pour faire un genre de groupe? pas forcément... Mais je peux diffuser les chansons avant, là. Les disques que je reçois sont diffusés à plusieurs reprises, non oui. Pas uniquement lorsque je diffuse la rencontre de l'invité. Toi, tu peux la diffuser, le clip de la chanson Animal sort en septembre. Okay. Déjà, cette chanson... Alors on pourrait commencer Animal. Oui, tu peux commencer avec okay. Animal. En janvier, ce serait peut-être bien ou... C'est toi qui vois. Ok. Oui, pourquoi ça... Non, parce que je vais commencer le travail avec la presse dès le mois de septembre, donc... Ok. Donc finalement, c'est... C'est quand tu veux. Parfait. Deux, trois photos. Avec Allez. Ma bouille, malheureusement. Avec quoi? Avec ma bouille, malheureusement. Avec grand plaisir. Tu veux commencer avec nous? J'ai en moi un animal, tout au fond d'un tiroir. Une lutte déloyale qui aura le pouvoir. Dans mes entrailles, cet animal sommeille depuis longtemps. Violent, méchant et brutal, chaque fois je l'entends. Je resterai l'artisan de mon âme animale. Animal. Je resterai l'artisan, mon inconscient animal. Des siennes, cet animal bouscule tout le temps. Quand il me pousse à faire mal, cela ajoute du mal dominant. Je resterai l'artisan de mon âme animale. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.